Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le pouvoir des femmes en Nouvelle-France. Madame de Vaudreuil, la femme du gouverneur qui est née ici, est tellement instruite des choses, même de la politique, son mari l'envoie à Versailles, elle contrôle tout. Elle contrôle absolument tout. Le fonctionnaire, le ruette d'Auteuil, il est fou de rage. Il ne peut pas faire les choses qu'il veut parce que Madame de Vaudreuil est à Versailles. Elle contrôle toute la correspondance. Mais ça, évidemment, c'est une exception. L'historienne Micheline Dumont, qui rappelle qu'en Nouvelle-France, certaines femmes en menaient large. Parmi elles, Madame de Vaudreuil, la femme du gouverneur, Madame de Repentigny, seigneuresse et femme d'affaires accomplie. Chez les seigneuresses, on peut aussi penser à des noms comme ceux de Jeanne Crevier à Boucherville ou celui de Marie-Catherine Peuvray à Beauport. Et puis, bien sûr, parmi ces femmes d'influence dans la colonie, quelques figures religieuses importantes dont les noms résonnent encore aujourd'hui. Je pense à Marie de l'Incarnation, Jeanne Mance ou Marguerite Bourgeois. Marguerite Bourgeois était une Française qui venait précisément de Troyes, en Champagne. Elle venait évidemment pour faire la classe, pour enseigner les enfants. Mais il s'est trouvé qu'il n'y avait pas d'enfants. Alors qu'est-ce qu'elle a fait s'il n'y avait pas d'enfants? Alors elle s'est occupée aux besoins de chaque jour. Alors elle habitait au fort avec Monsieur de Maisonneuve. Alors comme la plupart des premiers colons étaient des célibataires qui n'avaient personne pour voir à l'entretien de leur linge, elle a trouvé à rendre bien des services, je pense bien, de toutes sortes. Maisonneuve lui avait même confié une petite fille, Jeanne Loisel, qui a été une de ses premières écolières en 1658. Elle était arrivée d'ailleurs avec une enfant d'une dizaine d'années, Marie Duménil, qu'elle a gardée avec elle jusqu'à son mariage avec André Charlie. Sœur Florence Bertrand de la Congrégation Notre-Dame, au micro d'Andréane Lafont, l'émission Femmes d'aujourd'hui, en 1976, pour nous parler du pouvoir des femmes et des femmes de pouvoir en Nouvelle-France. Mon invité est l'historien Benoît Grenier, directeur du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, auteur de Marie-Catherine Peuvray, veuve et seigneuresse en Nouvelle-France, publié chez Septentrion. Benoît Grenier, bonjour. Bonjour. L'exemple de Marguerite Bourgeois qu'on entendait à l'instant, Benoît Grenier, il est intéressant parce que ça nous montre qu'au début de la colonie, il y a très peu de femmes ici. Très peu d'enfants aussi. Tout à fait. La population est très clairsemée dans les années 1650-1660. Il va falloir attendre la venue des fameuses filles du roi la décennie suivante, 1660-70, pour voir véritablement une amélioration de la condition démographique de la colonie. Donc au début, vraiment, absence ou à peu près de présence féminine en Nouvelle-France. Les filles du roi seront celles qui viendront 10 ans plus tard, vous le disiez. Qui sont-elles, en fait? Quand ça va commencer à se développer, les filles du roi, mais les autres femmes qui viendront s'établir en Nouvelle-France, à nouveau, l'historienne Micheline Dumont, à l'émission « Le matin de la fête » en 1986. C'est sûr que quand on examine la société de la Nouvelle-France au 17e siècle, il y a une série de femmes dont on connaît les noms, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, etc., qui sont vraiment des femmes remarquables. Et elles appartiennent à une couche spéciale de la société. Mais vous avez le gros des femmes qui sont venues ici, qui sont, que ce soit les filles du roi ou les femmes de colons. Je pense qu'on a là des représentantes de classes défavorisées. Les gens émigrent pour échapper à la misère en France, parce que la situation des paysans dans les villes est misérable en France à cette époque-là. Alors, on a donc un groupe de personnes qui viennent tenter leur chance au Nouveau Monde. Mais ils arrivent ici avec un climat social bien particulier. C'est celui de la contre-réforme. C'est un milieu social sévère. Les normes familiales, les normes sociales sont sévères aussi. Les gens sont très contrôlés. Il y a une conception de l'autorité. On est en régime monarchique, de monarchie absolue. Alors, cette expression de l'autorité s'exprime dans la famille, dans toutes les institutions, de sorte que ce sont des gens policés qui arrivent ici. D'un autre côté, le milieu du Nouveau Monde, qui offre les terres, le gibier, les forêts, un peu de liberté, apporte sa contrepartie. de sorte que très tôt, les Français qui arrivent ici se définissent eux-mêmes comme Canadiens. Ils sont déjà différents de la mère patrie. Alors, comment se compare la situation des femmes d'ici, de celles qui viendront en Nouvelle-France à celles qui restent en France? On va y revenir dans un instant parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Peut-être un petit peu d'enflure historique, mais enfin, on se garde ça pour dans quelques minutes. Mais d'abord, celles qui veulent améliorer leur sort, celles dont nous parlait justement Micheline Dumont, à commencer par les filles du roi. Un mot peut-être pour nous dire, pour nous rappeler, qui sont ces filles du roi? Oui, les filles du roi, en fait, ce sont essentiellement des orphelines, des filles de toutes conditions, en fait, allant de certaines filles de la noblesse à des filles tirées de l'extrême pauvreté qui sont à l'hôpital général de Paris. Certaines viennent des couvents de Normandie, d'autres viennent effectivement de Paris. Et elles sont prises en charge et amenées vers la Nouvelle-France pour prendre mari. Ouais. Donc, ce pour sont peupler fondamentalement pour peupler, la Nouvelle-France. Pour donner ces enfants qui manquent à la colonie. Pour assurer la survivance de la colonie. Est-ce que ça va marcher, Benoît Garnier? Ça va marcher, écoutez, à l'échelle de cette petite population coloniale, mais elles seront près de 800 à 900 à venir en l'espace d'une décennie, 1663, 1673. On peut dire que c'est peut-être encore peu, mais sans elles, cette population coloniale, il était impossible de la pérenniser. Mm-hmm. Grâce à elles, il y aura des générations qui vont prendre place et une stabilisation de la démographie. Hein, à peu près 6 hommes pour une femme vers 1663. À la génération suivante, évidemment, comme il naît autant de filles que de garçons, autour des années 1680-90, puis au début du 18e siècle, le problème démographique se sera résorbé et dorénavant, donc on sera dans une situation coloniale un peu plus mature, un peu plus normale, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est pour les fins de notre émission, là que commence vraiment l'histoire réelle des femmes en Nouvelle-France, à partir du moment où il y a à peu près cet équilibre démographique. On va revenir tout de suite à la comparaison de la situation des femmes en Nouvelle-France par rapport à la situation des femmes en France. On écoute à nouveau l'historienne Micheline Dumont et également l'historienne Nadia Famy-Hyde. Ça m'a frappé, moi, que quand on regarde les personnes les femmes qui ont marqué leur place dans l'histoire officielle, elles sont toutes nées ici. Madame de Péan, la maîtresse de Bigot, est née ici. Madame Bégon, la grande épistolière, est née ici. Elle était surnommée l'Iroquoise parce que la famille la jugeait de rang social élu. Madame de Vaudreuil, Élisabeth Joubert de Soulanges, est née ici aussi. C'est remarquable que les femmes qui sont nées ici marquaient peut-être un peu plus d'indépendance et d'autonomie que celles qui venaient de France et qui étaient ici un peu en exil et qui attendaient là, de retourner en suivant la carrière de leur mari, évidemment. D'ailleurs, c'est cette indépendance et cette autonomie que Marie de l'Incarnation reproche en disant qu'elles sont en quelque sorte plus indépendantes, plus libres et même à la limite plus dévergondées que les Françaises en France. Elle dit 12 Canadiennes nous donnent beaucoup plus de mal que 50 Françaises. On peut croire que les normes, l'autorité, la notion d'autorité est vécue de façon un peu moins sévère ici qu'elle ne l'était en France, finalement. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Benoît Garnier. Est-ce que les femmes de Nouvelle-France sont si différentes de celles qui sont restées dans la métropole? À entendre ces deux historiennes, on a l'impression qu'on touche un peu à un âge d'or de la femme en Nouvelle-France. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Ben, écoutez, c'est largement débattu. Micheline Dumont a elle-même largement pourfendu le mythe de l'âge d'or des femmes en Nouvelle-France. Il est vrai que lorsqu'on observe ces femmes qui appartiennent à l'élite, qu'elles soient canadiennes ou françaises de naissance, et où les religieuses de la première heure, nos héroïnes comme Madeleine de Verchères ou les filles du roi dont on parlait, nous sommes dans des femmes d'exception. Ce qui intéresse beaucoup les historiens depuis 25-30 ans, c'est de voir qu'est-ce qui se cache derrière ces femmes d'exception, les femmes ordinaires, entre guillemets, celles pour lesquelles les archives sont souvent beaucoup plus silencieuses, notamment les femmes mariées. Oui. Et l'une des choses qui est importante de considérer pour remettre un peu le pendule à l'heure, c'est la question du statut juridique qu'ont les femmes en Nouvelle-France. Et là-dessus, la femme mariée, c'est la grande perdante, au fond. Tout à fait. En vertu du droit civil, du droit coutumier, la coutume de Paris qui est imposée en Nouvelle-France à partir des années 1660, évidemment, on est dans une colonie tout à fait patriarcale. On ne l'exprime pas comme ça, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui on l'interprète. La plupart des historiens s'entendent là-dessus. On a certainement amplifié cet idéal comme à tous les égards concernant la Nouvelle-France. D'ailleurs, on a idéalisé la Nouvelle-France. Ouais. On a aussi idéalisé la position des femmes en Nouvelle-France. Les femmes restent infériorisées en vertu vertu de la loi, en vertu de la religion catholique aussi, bien sûr. Les femmes sont sous la tutelle de leur père. Mm-hmm. Et puis, lorsqu'elles sont majeures, et la majorité, rappelons-le, c'est 25 ans, pour les garçons comme pour les filles, donc 25 ans, et passent sous la tutelle de leur mari. Ouais. La majorité des femmes sont mariées avant 25 ans. Elles se marient en moyenne à 21, 22 ans pendant toute la durée du régime français. Or, elles échappent rarement à cette incapacité ouais. juridique. Celles qui s'en tirent peut-être le mieux, au fond, ce sont les veuves et les célibataires, celles qui, après 25 ans, ne sont toujours pas mariées. Tout à fait. Prenons le cas des célibataires. On les appelle, le mot célibataire apparaît plus tardivement. On parle des filles majeures à l'époque, mm-hmm. D'un point de vue légal. Alors, la fille majeure, c'est cette fille qui a 25 ans, qui théoriquement n'est plus sous l'autorité de son père et de sa mère, mais qui, donc, peut mener tout à fait ses affaires comme elle l'entend. Et certaines vont le faire. Par contre, il faut faire attention parce que, encore là, celles qui peuvent profiter de ce statut de femme autonome, c'est celles qui ont des moyens, c'est celles qui ont des biens. Elles sont rares. Sinon, on parle des célibataires qui entrent en religion, c'est une toute autre histoire. Mais on voit des célibataires et on voit même des cas de femmes qui font vie commune, qui font des affaires ensemble. Je pense à un duo de marchandes de Québec, Catherine Damien et Angélique Chenet. On est dans les années 1720-1740. Elles vont faire vie commune, elles font du commerce. Elles sont présentées dans les documents comme des associées pendant des années. L'une d'entre elles, âgée de 60 ans, s'en va même dans les Antilles, toute seule, incroyable. À faire des affaires. Alors, on n'a pas cette imagination-là. C'est pas l'image qu'on se fait des femmes de la Nouvelle-France. Mais, attention, ça demeure des exceptions. Et puis les veuves aussi. Les veuves, elles sont, on va dire, affranchies de la tutelle du mari, si elles ne se remarient pas, bien entendu. Elles sont affranchies, mais encore héritent là, patrimoine, elles héritent d'un patrimoine. Souvent. Selon l'âge qu'elles ont, selon la présence ou non d'enfants adultes, elles vont rester veuves. Alors, si elles ont 40 ans passés, elles ne se remarient presque jamais. L'historienne Josette Brun a bien étudié cette question-là. Par ailleurs, les veuves jeunes ou les veuves dans une position de précarité, la veuve d'un agriculteur qui a une terre à entretenir, elle a besoin d'une main-d'œuvre pour faire marcher la terre agricole, si vous voulez. Venons-en à celles qui, dans le lot, donc, ont le plus de pouvoir, les femmes de pouvoir en Nouvelle-France. Vous nous avez donné cet exemple, mais qui est vraiment un exemple atypique de cette équipe de deux femmes qui font affaire ensemble, femmes marchandes. Il y en a très peu, des femmes marchandes en Nouvelle-France. Mais les femmes de pouvoir, ce sont souvent des veuves. Ce sont, la plupart du temps, en fait, les femmes de pouvoir des seigneuresses. Je pense qu'on peut dire ça. Il y en a plusieurs. Comment devient-on seigneuresse? Oui. En fait, on devient seigneuresse parce que la plupart du temps, on est veuve d'un seigneur. Alors, le mot même, il faut savoir que le mot même, seigneuresse, n'existe pas dans la langue française. Ouvrez le Larousse, ouvrez le Petit Robert, c'est un mot, c'est un néologisme canadien. Alors, moi, j'ai trouvé fascinant quand j'ai découvert ça. Et quand je parle des seigneuresses en France, on me regarde avec des gros yeux, comme quand on parle de la mairesse, finalement. Oui. Alors, on a là un néologisme qui apparaît dès le 17e siècle, qui témoigne d'une réalité concrète. Robert de Roquebrune, qui était historien et archiviste, a écrit un roman en 1960 qui s'intitulait La seigneuresse, dans lequel il cite en exergue, il met de l'avant l'importance de ce statut dans la société coloniale autrefois. Donc, on devient seigneuresse parce qu'on hérite. Nous sommes une veuve de seigneur ou encore une fille de seigneur, une fille célibataire. Mais il faut évidemment que le hasard de la démographie ait conduit une fille unique, par exemple, à la tête d'une seigneurie. Sinon, quelques femmes obtiennent des seigneuries en concession. Au 17e siècle surtout, mais ce sont surtout des veuves d'eux ou des filles d'eux. Ouais. Et on est seigneuresse puisqu'on hérite de la seigneurie soit de son père, soit de son mari. Et il y a des fois, quand on hérite de son mari, un petit Théo ou Antoine ou je ne sais trop qui grandit et qui deviendra le seigneur. Ouais. On est seigneuresse la plupart du temps, Benoît Grenier, de manière temporaire. C'est ce que j'ai appelé, moi, un pouvoir de transition. Hein? Ouais. Un relais entre deux mâles, si vous voulez, la plupart du temps. Et là encore, c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser la société de la Nouvelle-France comme étant une société, un âge d'or des femmes. Parce que l'anachronisme nous guette, évidemment. On a tendance parfois, et certains auteurs sont allés là, on a tendance parfois à avoir pratiquement des féministes avant l'heure en Nouvelle-France. Quand même pas, faut pas exagérer. Ces femmes peuvent avoir une autonomie, une agentivité, et on en voit. Mais sur le lot, moi, j'ai étudié une trentaine de cas de veuves de seigneurs, et la nette majorité, 75% à peu près, là, dès que le fils est en âge de prendre la relève, elle lui laisse le contrôle des affaires seigneuriales. Et dans l'intermédiaire. Dans l'intermédiaire, elles savent gérer, elles savent administrer. Est-ce qu'on les laisse gérer? Est-ce qu'on leur accorde la crédibilité, l'autorité? Alors, elles ont la légitimité, comme les veuves dans les autres secteurs, les veuves de marchands, les veuves d'artisans, par exemple. Mais alors, certaines vont prolonger dans la longue durée, parfois pendant des décennies, cette autorité d'une main ferme là, sur les affaires seigneuriales. Il faut dire que que ce soit une seigneuresse, que ce soit une marchande, c'est souvent, la plupart du temps, pour des causes d'absentéisme des hommes que les femmes prennent cette place. Alors, ouais. Est-ce qu'elle est souhaitée? Est-ce que c'est un pouvoir qu'on recherche ou si c'est un peu une contrainte de la force des choses? Parce qu'en Nouvelle-France, les hommes sont fréquemment absents. Ils sont partis à la guerre, ils sont partis à la traite des fourrures, ils sont partis en mer. Alors, l'épouse continue. On a parlé de Jeanne Crevier tout à l'heure, la veuve du premier seigneur de Boucherville, Pierre Boucher, un incontournable du 17e siècle. Elle va s'occuper des affaires de la seigneurie jusqu'à presque 90 ans, jusqu'à sa mort, parce que ses fils, ils sont occupés, ils sont dans les troupes de la marine, ils sont absents. Marie-Catherine Peuvray, que j'ai étudiée pour Beauport, c'est la même chose. Entier, il y avait consacré un livre. Pourquoi? Ben oui, pourquoi? Parce que les hommes, pendant longtemps, qui écrivaient l'histoire, évidemment, ne se sont pas préoccupés, n'ont pas cherché. On va dire, et avec raison, il y a un double problème pour voir les femmes et le pouvoir des femmes, pas juste en Nouvelle-France. Elles sont plus difficiles à voir dans les archives parce que mariées, elles sont un peu sous la couverture de leur mari. Et l'histoire étant écrite par les hommes, encore faut-il les chercher. En 1903, Pierre-Georges Roy, qui était archiviste de la province de Québec à l'époque, qui a écrit de nombreux ouvrages, écrit un livre de 400 pages sur la famille Juchereau-Duchesnay, les seigneurs de Beauport. Il consacre une ligne à Marie-Catherine Peuvray. Et qu'est-ce qu'il dit, vous pensez? Elle a mis au monde les 17 enfants de son mari. Pourtant, les archives, qu'il connaissait fort bien, recèlent de documents qui révèlent les conflits dans lesquels elle a été impliquée, toutes les procédures dont elle a été partie prenante et tous les actes de concession qu'elle a faits personnellement, incluant des autochtones d'une partie de la seigneurie de Godardville dont elle était propriétaire dans la région de Québec. Et les Amérindiens viennent dans son château, comme on l'appelle, à Beauport, pour obtenir les actes de concession. Elle fait tout ça. Donc, c'est Georges vraiment Roy, lui, elle ne l'a pas vu, qui est seigneuresse, là, par rapport à... Tout à fait, pendant 25 ans, à peu près. Et dans son cas, elle chasse pratiquement tous ses fils. Elle a des conflits très, très, très forts, non seulement avec les seigneurs voisins, qui sont des religieux. Alors, peut-être qu'on peut se demander, pour revenir à votre question, quelle place on leur laisse. La loi leur donne, si elles sont veuves, toute la légitimité, surtout si leurs enfants étaient mineurs au moment de devenir veuves. Mais attention, il n'est pas dit que socialement, on admet ce pouvoir et qu'on l'apprécie. Ouais. Et ça, c'est très, très difficile à mesurer en l'absence de lettres ou d'écrits de leur part. Parlez-moi, parce que c'est une histoire extraordinaire, de Madame de Repentigny. Qui vraiment devient une femme d'affaires accomplie. Ah oui, on a des cas, effectivement, de femmes d'affaires qui mènent de grandes affaires en Nouvelle-France. Qui est seigneuresse. Agathe de Repentigny, non seulement est seigneuresse dans son fief de Repentigny, mais va être une grande manufacturière dans cette Nouvelle-France du 18e siècle. On a les moulins à scie qui sont menés aussi de main de maître par des femmes. Louise de Ramsay, dont on a une biographie. Donc, ces femmes peuvent être des femmes mariées, des veuves, parfois des célibataires, mais on a là affaire véritablement à des cas singuliers qui ne doivent pas nous faire perdre de vue que ces femmes qui ont rarement écrit, sauf Madame Bégon, qui nous a laissé une importante correspondance, plutôt mondaine, n'ont rarement exprimé ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles recherchaient. Je vous citerai Charlevoix, le jésuite qui a écrit sur la Nouvelle-France. En 1744, il écrit « Les Canadiens ont beaucoup d'esprit, surtout les personnes du sexe, il parle des femmes, capables de conduire les plus grandes affaires. » Elles sont ici le plus grand nombre et on les trouve dans toutes les conditions. Alors, évidemment, ces femmes, elles sont bien présentes et faut comprendre ça dans la perspective aussi où, à cette époque, la sphère publique, la sphère privée, c'est pas encore véritablement arrivé. Ouais. Les affaires, la famille, le travail, la famille, c'est étroitement imbriqué. Les femmes sont essentielles dans tous les niveaux, dans tous les aspects de la société. Évidemment, on ne peut pas, Benoît Grenier, faire une émission sur le pouvoir des femmes et les femmes de pouvoir en Nouvelle-France sans parler de ces grandes figures religieuses. Je vous propose d'écouter la sœur Lucienne Choquette qui lit deux extraits dans ce qu'on va entendre au sujet de Jeanne Mance. Et entre la lecture de ces deux extraits, vous entendrez le père Émile Legault. Extrait d'émission, donc, le matin de la fête en 1981. Sans hésitation aucune à Québec, Jeanne Mance s'empare du commandement. Car cette faible femme possède admirablement les qualités d'un chef expérimenté. Comme vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui que des femmes qui sont des chefs. Non, mais c'est ça qui est remarquable, c'est que cette femme-là, qui avait seulement un côté mystique, en tout cas, puisqu'elle avait fait des vœux très jeunes et qu'elle était visiblement inspirée, avait en même temps les deux pieds sur la terre et qu'elle était très sérieusement engagée dans le temporel. C'est pour ça que tous l'honoraient comme si elle eût été leur mère. Maintenant, ils avaient pour elle, pour ses moindres volontés, une soumission d'enfant. Ils recevaient même de sa main les munitions de guerre. On la respectait autant que Madame la gouvernante souligne sœur Marie Morin. Quel rôle elles vont avoir, ces grandes figures qu'on connaît, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Marie de l'Incarnation? Marie de l'Incarnation. Effectivement, Marie de l'Incarnation est aussi un beau cas d'un grand pragmatisme, à la fois une femme d'affaires compétente, une femme qui publie, qui écrit des dictionnaires en langue autochtone, mais une grande mystique. Et le mot a été mentionné. Oui. Ce sont des mystiques. Et ça, c'est très important de le concevoir parce que l'un des lieux de pouvoir qu'on associe aux femmes, évidemment, c'est le couvent, c'est la religion. Évidemment, n'oublions pas qu'elles sont, elles sont cloîtrées. Il y a quand même un environnement qui les limite. Et vous savez que les communautés religieuses possèdent aussi des seigneuries. Et ces religieuses seigneuresses ne peuvent même pas aller voir, ou très rarement, leur seigneurie. Alors, c'est une grande limite. Est-ce qu'elles contrôlent leur seigneurie? Elles les contrôlent, mais les Ursulines, par exemple, possèdent la seigneurie de Sainte-Croix et elles savent à peu près pas ce qu'elles possèdent. Hmm. Elles se font carrément avoir par les censitaires. C'est ce qu'on comprend de la documentation. Par contre, ces femmes, ce sont d'abord et avant tout des mystiques. Alors, des fois, on fait de la religieuse une féministe avant l'heure, une femme. On colle peut-être une perspective 19e, 20e siècle sur une situation qui était certainement très différente au 17e siècle. Quand Marie de l'Incarnation vient ici, elle est prête, comme les jésuites, à risquer sa vie pour convertir les petites Amérindiennes. Par ailleurs, donc, ces femmes-là, même les religieuses, même les supérieures des couvents, par exemple, il y a eu une belle étude sur les supérieures de la congrégation Notre-Dame de Montréal par Colin Gray qui a montré que même les religieuses sont dans une situation paradoxale. Elles ont un pouvoir, c'est supérieur, mais elles sont soumises à l'autorité ecclésiastique masculine, à l'évêque, par exemple. Alors, elles n'ont pas le parfait contrôle. Et elles ne peuvent pas... elles ne peuvent ni divorcer de l'évêque, ça, c'est sûr. Et puis, quand l'évêque meurt, c'est un autre évêque qui le remplace. Exactement. Contrairement il y a toujours une autorité masculine. Et il y a une condition, une modestie aussi qui vient avec cette attitude qu'on doit avoir. Et on demande souvent conseil. À la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais, est-ce que ça change quelque chose à la situation des femmes ici? On a souvent écrit que la conquête, c'est un peu le début de la fin, que c'est un renversement de la situation. C'est un peu à comprendre dans la perspective de cet idéal de l'âge d'or en Nouvelle-France. Si on tient pour acquis que la Nouvelle-France n'est pas cet âge d'or des femmes, je pense qu'on va peut-être un peu revoir la position sur le changement opéré par la conquête. En ce qui me concerne, je dirais que la conquête a eu une influence, bien sûr, culturellement, au fil des décennies. C'est pas drastique à la conquête. D'ailleurs, à la conquête, beaucoup de femmes vont jouer un rôle très important, encore une fois, à l'absence des hommes. Mm-hmm. La noblesse, les nobles qui repartent en France vont souvent laisser derrière leur épouse qui vont devoir faire toutes sortes de transactions pour liquider parfois les biens de la famille, les seigneuries, avant de repartir. Donc, la conquête, pas dans l'immédiat. Mais dans la longue durée, l'influence du droit de la common law anglaise, qui encadre encore plus fortement, qui ne laisse pas certaines libéralités que donne le droit civil français aux femmes, je pense au douaire, par exemple, qui va finir par être aboli, mais seulement au 19e siècle. C'est plutôt le 19e siècle, la pression du libéralisme, la pression de l'industrialisation. Et là, les choses changent parce qu'au 19e siècle, en ville en particulier, notre société n'est plus celle qu'elle était et famille et travail deviendront dissociés. Sphère privée, sphère publique émergent. Mm-hmm. Les femmes seront de plus en plus, je dirais, dirigées vers le foyer. On s'arrête là-dessus. C'était fascinant. Benoît Grenier, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Benoît Grenier, je vous le rappelle, directeur du département d'histoire de l'Université de Sherbrooke, auteur, entre autres, de l'ouvrage « Brève histoire du régime seigneurial » publié aux éditions Boréal et de Marie-Catherine Peuvret, veuve et seigneuresse en Nouvelle-France aux éditions Septentrion. Merci encore. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.